بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ندخل في المسألة 77 في قوله تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. Alors dans le sens, il dit qu'aujourd'hui nous les oublions tout comme ils ont oublié la rencontre de ce jour-ci. Al-A'raf, verset 51. وأمثالها من الآيات نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأمثالها من الآيات كقوله نسوا الله فنسيهم. D'autres versets qui sont dans le même sens où Allah dit qu'ils ont oublié Allah alors Allah les a oubliés. At-Tawba verset 67. وقوله كذلك اليوم تنسى. Et c'est comme cela que aujourd'hui tu seras oublié. Taha verset 126. وقوله وقيل اليوم ننساكم. Et qu'il a été dit aujourd'hui nous vous oublions. Dans Al-Jathiyah, verset 34. قال لا يعارض قوله تعالى لا يدل ربي ولا ينسى. Et cela, ces versets-là, ne s'opposent pas aux autres versets où Allah est dit, dans le sens que notre Seigneur ni ne perd, ni n'oublie. Ni ne perd, ni n'oublie. Taha, verset 52. Et sa parole lui dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ. Et que ton Seigneur, certes, n'oublie pas. Surat Maryam, verset 64. Là, c'est le masala qui est connu dans l'Aqida, qui est souvent cité également. Car en fait, ma'ana fal-yum nansakum wa nahwihi ay natrukukum fil azab mahrumin min kulli khayr. Wallahu ta'ala alam. En fait, lorsque Allah, dans le premier verset, il cite le fait d'oublier, c'est le fait de délaisser. C'est le sens de délaisser. C'est-à-dire qu'Allah vous délaisse, tout comme vous avez délaissé sa religion, et que vous l'avez délaissé lui et son ordre. Il vous délaisse. Et non pas le fait qu'il a oublié, le fait qu'il ne sait plus qui vous êtes et qu'il ne sait plus ce qui s'est passé. Abaden, Haza, min sifat naqs. Ce n'est pas possible qu'Allah Azzawajal ne se soit attribué cela. Cela s'oppose à sa perfection. Donc le sens de Nasiya, c'est le sens de délaisser. Et même en français, c'est une chose que parfois on entend des gens, quand ils disent un tel, lui-là, je l'ai oublié celui-là. Dans le sens, je l'ai délaissé cette personne-là. C'est quelqu'un que j'ai oublié, que j'ai délaissé. Donc ça existe également même en français. Le fait d'employer le sens oublié dans le sens de délaisser. Naam. Hadha huwa al-jawab an as-su'al, an al-ishkal. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdu lirabbil alamin.